Ce vendredi à la vie en BD, spécial Québec en toutes lettres. On parle d'humour et de liberté d'expression avec Mira Falardeau. On parle de la Chope à bulles qui déménage à la Maison de la littérature, du spectacle interdisciplinaire Case et possible et de la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour cette nouvelle émission de la vie en BD, votre magazine consacré à l'univers du 9e art. Et tel que mentionné, on va l'explorer, ce 9e art, à travers ses pendants festifs, puisque c'est Québec en toutes lettres qui s'est ouvert un peu plus tôt cette semaine. En fait, hier, c'était le spectacle d'ouverture. Ce soir, vendredi et demain samedi, mais il y a également le parcours volatile autour de la Maison de la littérature. Et il y aura un feu roulant d'activités, dont quelques-unes qui ont des apanages, qui ont des liens avec la bande dessinée. Alors, on va explorer ces thématiques-là et ces sujets-là au fil de l'émission de cette semaine. Et sinon, peut-être quelques petits clins d'œil à l'actualité, notamment fait un beau record pour la BDiste Laurel. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une campagne de financement pour l'édition d'un album sur sa vie de développeuse de jeux vidéo expatriée en Californie. Et je pense, en fait, de mémoire, c'est probablement le plus gros succès. Elle, Laurel, vous l'avez peut-être connue puisqu'elle a offert 11 albums chez Glénat, Dargo, Le Lombard. Plus récemment, c'est l'auteur de la série Cerise, en fait, qui n'est pas déplaisante d'ailleurs. Et en fait, elle s'était donné un objectif de 13 600 $ environ à atteindre pour financer son album. Et bien, cet objectif-là, elle s'était donné 29 jours, 30 jours pour l'accomplir, pour l'atteindre. Finalement, elle le fait en une heure. Et là, la dernière fois que j'avais été voir un peu plus tôt cette semaine, elle était rendue à 1300% de son objectif. Je pense qu'elle avait accumulé presque 180 000 $ pour produire sa bande dessinée. Ah ben voilà, je voulais juste le souligner. Sinon, autre élément qu'on voulait souligner, le 18e rendez-vous de l'histoire qui se tenait à Blois en début octobre a décerné son prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique à l'auteur de l'album qui s'est distingué par la qualité du scénario, la valeur du dessin ainsi que le sérieux de la reconstitution historique à l'album Ulysse, les chants du retour de Jean Aramba. C'est publié chez Actes Sud. Je rappelle que l'an dernier, c'était la vision de Bacchus de Jean Dittard qui avait été récompensé. Alors, cela étant dit, on passe immédiatement avec notre première entrevue. Beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions cette semaine. Et s'il y a un sujet qui est incontournable quand on parle de bande dessinée, bien, c'est celui de l'humour. On l'a vu notamment avec le rapport Vio, la vaste majorité de la production BD au Québec est liée d'une manière ou d'une autre à la sphère de l'humour. Et du côté des presses de l'Université Laval, il y a un livre qui vient tout juste d'être publié qui s'appelle « Humour et liberté d'expression, les langages de l'humour ». Et c'est signé Mira Falardeau. Elle est avec nous pour nous présenter ce livre. Mira, bonjour. Bonjour. Et j'ai l'impression avec ce livre-là, ça devient un peu un espèce de guide, un espèce d'accompagnement pour ceux qui ont envie peut-être d'aller un peu plus loin dans leur compréhension des mécanismes de l'humour. Donc, savoir apprécier le gag, mais après ça, peut-être pouvoir comprendre pourquoi justement ce gag-là est efficace, pourquoi il fonctionne. En fait, la genèse du livre est assez simple. C'est ma thèse de maîtrise en histoire de l'art. Donc, ça remonte à un petit peu en arrière. Et je m'étais inspirée... Alors, la thèse de maîtrise s'appelait « Pour une analyse de l'image comique » et je m'intéressais surtout à caricatures, bandes dessinées, dessins animés, mais aussi à la publicité comique et au cinéma comique, bref, à tout ce qui était image comique. Puis mes, mes pères spirituels, ceux chez qui je suis allée chercher ces idées-là, ces procédés de l'humour, ils sont peu nombreux, il y a Freud, Umberto Eco et Bergson. Donc, je prenais les mots les plus simples, tu sais, les données les plus classiques, là, l'inversion, le contraste, etc. Puis, voilà, j'ai fait ma thèse, ça n'a jamais été publié. Puis, j'ai constaté qu'en fait, il y en a peu de chercheurs qui ont véritablement parlé de ça. Ou alors, dans un discours tellement ésotérique, par exemple, des sémiologues, des linguistes, que c'est pas à la portée de tout un chacun. Alors, j'ai voulu faire exactement le contraire, genre un gros livre de vulgarisation. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas étendre ça à tous les types d'humour, c'est-à-dire aussi à la comédie, au cinéma, bref. C'est ce qui est intéressant aussi, dans la mesure où, justement, ça me permet de voir comment ça s'exprime en dessin, mais comment ce même mécanisme-là va fonctionner au théâtre. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, on trouve les mêmes mécanismes partout. Bon. Et donc, j'écrivais mon livre, il était presque terminé, et les événements dramatiques de Charlie sont arrivés en janvier, ce qui m'a, malgré moi, propulsé sur la scène, parce que bon, du jour au lendemain, les postes de radio, de télévision voulaient essayer de comprendre et sollicitaient des gens comme moi qui s'intéressent à l'humour. Et un jour, mon ami Antoine Robitaille m'a invité à une table ronde au Musée de l'Amérique française sur ce thème-là. Puis là, je me suis dit, bon, je dis toujours un peu la même chose, pourquoi je n'irais pas chercher dans l'histoire? Est-ce qu'il y a un lien dans l'histoire entre le comique, la grivoiserie et la religion? Parce que finalement, c'était ça, Charlie. Et oui, je suis retournée chez les Grecs, chez les Romains, puis j'ai fait une espèce de petit condensé, puis j'ai dit ça à la table ronde. Écoute, il y a des jeunes qui sont venus me voir, c'est donc intéressant. Alors, j'en ai fait un chapitre supplémentaire du livre, le premier chapitre. Donc, j'ouvre vraiment sur l'historique de l'humour grossier et de la religion. Et puis, écoute, j'ai découvert des affaires extraordinaires, puis ça fait une espèce de schéma. Tu sais, ça démarre le livre, quoi. Oui, puis ça démarre bien. Puis en même temps, ben, puisqu'on est un peu dans l'humour illustré, dans l'émission, en fait, tu trouves notamment des graffitis comiques qui ont été faits au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est quand même pas rien. Écoute, c'est sûr que les grands chercheurs sur l'humour, ils en parlent, là. Mais ce qui est intéressant dans ces deux petits graffitis, entre autres Alexéménos qui adore son dieu, tu vois le dieu à tête d'âne, c'est que c'est un graffiti qu'on pourrait dire privé. C'est-à-dire que c'est un humour privé. Mais en même temps, non, c'est un humour public puisqu'il est sur un mur. Et c'est chouette parce qu'on retrouve ça un petit peu sur Facebook à l'heure actuelle. On se moque des gens entre nous, mais en même temps, c'est tout le monde y a accès. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que ces premiers graffitis-là sont si près de nous par leur acuité, finalement leur comique. Oui, en fait, se rendre compte que le numérique transforme beaucoup de moyens de diffusion, mais que finalement, on en revient à une relation de proximité qu'on a toujours eu finalement avec l'humour, parce qu'il y a toujours eu de l'humour de toute façon. Ça. Oui, ben c'est ça. En fait, grosso modo, il y a trois sortes d'humour. Si on veut l'humour privé, c'est-à-dire les jokes qu'on se fait entre nous, ou bon, tu ris de ton voisin, ou tu ris quand t'es à l'école de ton prof, bref. Bon, les éclats de rire extraordinaires. Et t'as l'humour public, c'est-à-dire l'artiste qui en fait un métier. Ça, c'est né à la Renaissance. Mmh. Parce qu'avant, on n'avait pas le droit. Et finalement, un humour semi-privé, semi-public. Disons, un genre d'humour qui se faisait un peu... soit dans les classes sociales, on va dire, plus populaires, l'humour de foire, tu sais, bon, l'humour grotesque, des clowns, etc., ou un humour de cours. Donc, on se moquait, mais entre nous. Mais écoute, j'ai découvert des trucs extraordinaires. Oui, ça permet de classer, en fait, même j'ai bien aimé les chapitres, justement, sur la chronologie. Ça synthétise un peu certaines évolutions. Et notamment, ben, on se rappelle que la caricature arrive à la Renaissance italienne. Donc, c'est quand même, c'est assez loin, mais c'est pas si loin. Donc, ben, écoute, Aristote avait déjà dit ça, que tu sais, le beau, c'est le contraire du laid, mais c'est ça a l'air une évidence, là, mais... Puis Vinci, c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il explore le beau, puis quand il a terminé d'explorer le beau, il explore le laid. Mais dans le temps d'Aristote, dans le temps de la première de la démocratie en Grèce, on essayait, bon, Aristophane y a essayé, il a fait des comédies qui sont à tomber par terre, on hurle de rire. L'Académie des femmes, c'est toutes les femmes qui... l'Assemblée des femmes, c'est les femmes qui vont aller siéger. Mais quand on sait en plus qu'à cette époque-là, c'est des hommes qui jouaient tous les rôles, même les rôles féminins, écoute, ça devait s'écrouler de rire dans les estrades. Alors, avec des grands masques, des robes, des colifichets et tout, puis finalement, ce dont on se moquait, c'est ben pourquoi ça serait pas les femmes qui dirigeraient la cité? Et puis, bon, on se moque des dieux aussi, mais de façon très déguisé. Ce que t'amènes un peu, en fait, la Grèce antique, c'est un peu la première période dans ce chapitre-là où tu dis, mais regardez, c'est là qu'on codifie un peu, qu'on explore un peu les codes de l'humour, premiers... Ben oui, tout à fait, sauf que c'était ce qu'on appelle un rire rituel, c'est qu'on riait à l'intérieur des rites de l'Église. Mais écoute, les dionysiaques, quand tu vois ça, tu dis ça aucun sens. C'est qu'à l'époque, le théâtre était un rite, de toute façon. Ben oui, mais les gens s'enivraient dans les rues, ça tombaient par terre. Les satyres, les qui portaient des espèces de enfin ceux qui jouaient les satyres qui portaient des phallus géants accrochés aux hanches. Écoute, c'est d'un on peut bien croire qu'il y avait de la religion derrière ça, mais il y avait surtout un immense éclat de rire qui est rafraîchissant finalement. Quand on sait que finalement, ben tu sais, quand on dit le rire est le propre de l'homme, je pense qu'on rit depuis les débuts de l'humanité finalement. Oui, puis à la limite, en fait, selon l'influence ou la nature de l'influence religieuse, ben finalement, le rire change de forme, se transforme. Puis dans le fond, ça nous amène aussi à un moment donné où tu fais état qu'avec la montée de l'athéisme dans les 60 dernières années, 80 dernières années, ben là, il y a eu justement une autre explosion d'autres formes justement de rire, de caricature, de critique sociale, qui à certaines époques était peut-être un peu plus interdite, là, si on rentre un peu dans la notion de liberté d'expression aussi. Mais en fait, c'est ça, c'est que le rire, c'est dangereux depuis les débuts, là, ça fait peur. Et le talent de l'humoriste, que ce soit Aristophane, Shakespeare, Molière ou plus près de nous, les caricaturistes, les humoristes et les auteurs de romans comiques ou de cinéma, on a le choix. Eh bien, il faut toujours se déguiser, travestir le comique. C'est-à-dire qu'on peut pas, jusqu'à notre époque, c'est-à-dire jusqu'au, comme tu dis, les 60 dernières années avec la révolution culturelle, l'underground, où là, tout était permis, mais jusqu'à cette époque-là, Le rire a toujours été dangereux et il y a eu des emprisonnements, il y a eu des mises à mort, il y a eu des tortures. C'est sûr que tout était pas magnifique et beau dans ce monde-là. Tu sais, si par exemple Shakespeare a pu parler, c'est parce qu'il y avait une protection à un niveau supérieur. François Rabelais, bon, lui aussi il était protégé par un roi, François Ier pour ne pas le nommer. Et tu sais, c'est toujours très dangereux de rire, même de nos jours dans certaines sociétés, c'est encore un tabou. Donc, il y a un côté effrayant dans le rire. Oui, puis en même temps, c'est ce qui amène aussi à devoir même définir la notion d'humour, dans la mesure où, dans le cas de ton livre, on parle aussi beaucoup d'humour engagé. Aujourd'hui, on est obligé de le spécifier. À certaines époques, c'était pas nécessaire parce que, de facto, l'humour est engagé. Aujourd'hui, l'humour se désengage peut-être un peu plus. À certains égards. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a toujours eu ces deux types d'humour. Le comique, en fait, le gros rire, le clown, le pantin, le comique de foire, qui lui est très, très drôle, on rit beaucoup, mais il critique pas vraiment. Et t'as un humour plus critique qui, lui, doit se déguiser tant qu'on n'est pas dans une démocratie complète. Mais tu sais, même... dans l'Europe de l'Est, il y avait des caricaturistes extraordinaires, du dessin animé engagé extraordinaire. Je pense que l'humour est toujours plus ou moins engagé, dans la mesure où, à part un humour de un comique amusant, là, d'après moi, l'humour, c'est toujours une critique. Et à travers ça, on revient un peu à l'abondance du web aussi. Est-ce qu'on a l'impression, parce que c'est enfin un peu ta conclusion aussi de ce numérique qui vient peut-être un peu changer la donne, ben qu'il y a de plus en plus d'humour qui est produit, mais pas nécessairement plus d'humour engagé non plus, que la vacuité ou l'humour vide est en train d'étouffer peut-être l'humour qui parle? Ou... Ben c'est un danger. En fait, le web est en train de révolutionner complètement la plupart des langages, dont le langage humoristique. Et tu vois, il nous manque de recul pour ça. Et c'est prudent, ma réponse, là, mais on va se donner encore une dizaine d'années parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de mélange maintenant. Il y a des chercheurs qui vont parler de la société humoristique, c'est-à-dire qu'une espèce de société où finalement tout est drôle, mais à force de rire de tout, c'est un peu un rire jaune, tu sais, quand on est rendu à voir nos politiciens qui vont rire d'eux-mêmes dans des émissions comiques comme Rick Mercer ou Infoman, tu te dis, attends, pourquoi, si il rit de lui, est-ce que c'est parce qu'il veut pas que nous on rit de lui? Bon, il y a une espèce d'ambiguïté là depuis quelque temps, aussi bien sur le web que dans les médias, dans les mass-médias classiques. Et je crois que c'est juste une façon finalement de se réajuster. On attend une dizaine d'années avant de se prononcer. Ben, c'est vrai qu'on est en plein dedans en même temps, donc on risque peut-être d'avoir la réaction de ceux qui ont connu autre chose en disant ben c'était mieux dans mon temps. À peu près ça. Est-ce qu'on est là-dedans ou non? Ben on le saura dans 10 ans finalement. Et parallèlement, autre élément qui est intéressant, dans la mesure où tu détailles aussi, bon, les différents procédés, on le rappelle, et en même temps, il y a des procédés qui sont plus simples, d'autres qui deviennent de plus en plus complexes, et il y avait une ligne sur laquelle je suis tombé, que tu disais, ben, dans le fond, aussi, plus il y a une complexité, une richesse dans la manière de supporter l'humour, ben, plus peut-être aussi cet humour-là est en mesure de venir nous toucher, de venir nous émouvoir, de venir nous chercher de manière peut-être plus profonde, plus particulière. Tout à fait. Le livre est bâti de la façon suivante. Il y a un exposé, mais en même temps, il y a tout le temps des encadrés. Alors, chaque encadré est un exemple. Je me dis, quelqu'un quelqu'un qui a pas le goût de lire, il est pas obligé en fait de lire. Il peut simplement regarder les jokes, les farces, regarder les caricatures, lire des extraits comiques de Molière ou de un résumé de telle scène de Maman j'ai raté l'avion ou du Capitaine Haddock par exemple qui secoue le sparadrap. Bon, et ces exemples-là sont faits pour amener tranquillement le lecteur à voir que, mon Dieu, c'est bien ça, mais c'est vraiment de la répétition. Qu'est-ce que c'est la répétition? Pourquoi ça me fait rire de la répétition? Pour, tu sais, d'habitude, tu dis, ben non, je la connais, la joke, je la rirai pas. C'est pas vrai. Molière, il répète 20 fois, 30 fois, puis on rit encore plus. Pourquoi? Alors, bon, c'est ça. C'est que j'amène tranquillement le lecteur à se poser des questions, à se demander, mais comment ça se fait que ça me fait rire? Pourquoi le contraste, ça fait rire? Pourquoi un tout petit chien à côté d'une grosse madame dans la rue, pourquoi ça fait rire? C'est quoi qui fait que ça nous fait rire? Donc, c'est ça. C'est une façon un peu de décortiquer le comique sans enlever sa magie, parce qu'en fait, c'est pas une recette. Comme on dit, s'il y avait une recette de l'humour, ça se saurait. Donc, oui. C'est plus une façon de regarder que de créer. C'est oui. Pas un manuel. C'est pour ça qu'on est dans les langages, en fait. Tout à fait. Et ça, le livre, je le rappelle, ça s'appelle « Humour et liberté d'expression, les langages de l'humour », donc c'est aux presses de l'Université Laval. Et Mira Falardeau, un petit mot aussi, avant de se laisser, sur une exposition qui est montée dans le cadre de Québec en toutes lettres, du côté de la bibliothèque Gabriel Leroy, c'est jusqu'au 3 novembre, mais c'est un peu un appendice, on peut dire, de ce livre-là, mais où on va chercher plus le côté engagé de l'humour et sa relation justement avec la censure, avec des sujets qui sont peut-être un peu plus, à risque dans certains égards. On parle de Charlie Hebdo aussi ou d'autres types d'enjeux. On peut-tu nous parler un peu de... Oui, ben en fait, tout ça pour dire que c'est sûr que la demande est venue de Québec en toutes lettres et de la bibliothèque Gabriel Roy, justement à cause de ces événements-là et du thème de cette année de Québec en toutes lettres et aussi du fameux congrès du PEN qui se déroule actuellement. Et on m'a donc donné le mandat de faire une exposition sur la caricature et la liberté d'expression. Alors, c'est sûr que je ne pouvais pas parler seulement de Charlie ou des caricatures de Mahomet. Puis, je me suis demandé, au Québec, est-ce qu'il y a eu comme ça des grands thèmes? Et bon, j'ai été portée à me tourner vers un des sujets les plus chauds, c'est-à-dire la question Québec-Canada. Et puis là, bon, je suis allée chercher des caricatures thématiques sur ce sujet-là, des caricatures évidemment assez aiguës pour montrer comme il peut y avoir tellement d'opinions dans une caricature. Ensuite, j'ai pris la cause des femmes parce que je voulais avoir des femmes caricaturistes. Et puis là, je me suis dit, bon, je m'approche de la liberté d'expression. Puis j'ai trouvé le thème « Peut-on rire de tout? » C'est-à-dire, en fait, quelques caricatures qui chacune ont une histoire, ont provoqué soit des réactions extrêmes de la part des lecteurs, ont été refusées ou ont été mal comprises sur le champ parce que bon, ça tombait mal. C'est comme par exemple Sue DeWar qui met Bouchard qui se fait ronger la patte de bois par le castor au moment du oui, c'est mal tombé. Mais elle l'aurait fait 2 ans après, tout le monde aurait ri. Tu sais, il y a des sensibilités par rapport à des caricatures. En fait, dans ce thème-là, dans cette zone-là, toutes les caricatures ont eu on crée un genre de problème. Je trouvais ça intéressant. Oui, puis ça nous rappelle la force de l'image, l'impact que ce type de narration-là peut avoir. Tout à fait. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un dialogue. Donc, il n'y a pas... Il y a une majorité de caricaturistes québécois, mais environ le tiers des caricaturistes sont des caricaturistes de France ou de Belgique, de Suisse, bref, des membres de Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, qui est une association internationale de caricaturistes pour la paix. Et ça permet un dialogue entre les caricaturistes québécois et de la francophonie. Par exemple, dans la zone Charlie, je suis Charlie, c'est intéressant de voir comment nous, notre sensibilité nous fait réagir par rapport à cet événement-là et comment la sensibilité des Européens y répond. Et donc, on découvre ces différents panneaux-là, justement, dans l'espace de la bibliothèque Gabriel Leroy. Si on fait un détour par là, ben, en fait, c'est assez agréable de voir tout ça, de découvrir tout ça. Je rappelle, ça, c'est jusqu'au 3 novembre. Ça s'appelle L'arme du rire. Mira Falardeau, merci beaucoup. Merci, Raymond. On se dit à la prochaine. Bye. Et nous, on part avec un extrait musical. La formation qui nous accompagne cette semaine s'appelle Phlogiston. vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez trouver toutes les émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com et je vous invite également à nous suivre sur Facebook, facebook.com La Vie en BD. On l'anime de plus en plus notre fil et on aime bien pouvoir poursuivre cet échange avec vous, auditeurs, auditrices. Et maintenant avec nous, on a un nouveau locataire, si on peut dire, mais pas ici à CKRL, plutôt du côté de la Maison de la littérature. C'est la Chope à Bulles, donc qui déménage à la Maison de la littérature. Et pour nous en parler, ben, l'un des fondateurs de l'atelier BD. Donc, Jeff, bonjour. Salut, Raymond. Alors, il faut dire, en fait, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que vous êtes en atelier ensemble, bon, dans Saint-Jean-Baptiste. Oui, à peu près. C'est un peu un bon moment pour changer d'étape, pour passer à une nouvelle étape de l'association. Oui, en fait, écoute, c'est une super belle reconnaissance là, pour la bande dessinée puis pour notre groupe de pouvoir être installé au sein de la Maison de la littérature et d'avoir notre atelier là. Donc, pour, j'espère, longtemps. Et c'est un appel d'offres, dans le fond, auquel vous avez répondu. Eux voulaient avoir un atelier BD. Oui, oui, exactement. Donc, c'était, ça faisait quand même partie de leur plan d'avoir un atelier. Puis d'avoir au moins 4 postes disponibles, donc 4 places. Et donc, il y a eu un appel d'offres. On a présenté notre dossier. On a, en plus de finalement de ce qu'on avait comme actif, comme passif de d'atelier, on leur a proposé des activités, des ateliers de genre de classe de maître ou des clubs de lecture, choses comme ça. Et donc, oui, on a été retenus. Et il faut dire, en fait, j'ai l'impression que cette dynamique d'activité-là, de relation avec les lecteurs, que ce soit les lecteurs actifs ou de nouveaux lecteurs qui vous découvrent lors de visite, vous faisiez déjà un peu à la Chope à Bulles parce que le fait d'être groupé en atelier, mais pour des classes, pour des écoles, c'était plus facile d'aller vous repérer puis de dire, ben, OK, est-ce qu'on peut aller visiter l'atelier, découvrir tout ça? Oui, sauf qu'on n'était pas bien installé pour pouvoir accueillir beaucoup de gens. Et donc, on pouvait nous déplacer, c'est sûr et certain, mais on pouvait pas recevoir. De toute manière, c'était un atelier qui était... C'est assez exigu quand même. Oui, qui était installé dans un appartement, donc ça avait pas, on n'avait pas l'infrastructure pour accueillir des gens, à part une ou deux personnes de passage. Par contre, quand il y avait des auteurs en résidence à Québec, des auteurs étrangers, ben ils venaient souvent nous voir, puis même des fois, bon, je pense par exemple à Jean-Luc Cornette, il est venu travailler avec nous. Bon, on s'est tassé un peu parce que c'était pas des grands espaces, mais on a réussi justement à travailler à 5 dans notre petit shop pendant presque 2 mois. Donc, est-ce que tu as l'impression, Jeff, que le fait de passer à la Maison de la littérature va permettre peut-être d'avoir une proximité un peu plus grande avec les lecteurs de Québec, d'une certaine façon? Ça, c'est ce qu'on espère. On espère, c'est sûr, avoir un espèce de rayonnement local un peu plus grand. Donc, que les gens puissent, ben, autant les médias que la population puissent nous connaître en tant qu'auteur aussi, pas non plus en tant que Chope à Bulles, parce qu'on n'est pas... On n'est pas une entreprise, là. Chaque auteur a ses projets, chaque auteur a ses dossiers à réaliser. Oui, parfait. Sur ce point-là, j'aimerais faire une petite parenthèse, justement, parce que pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, dans le fond, à Montréal, il y a des ateliers BD, mais la plupart, c'est surtout des ateliers BD à l'américaine, à part quelques autres. En fait, il y a aussi des bureaux où pas mal d'artistes sont regroupés. Mais parallèlement, vous, c'est vraiment un fonctionnement à l'européenne, plutôt. Oui, puis on n'a pas de roulement de d'auteurs à l'intérieur de l'atelier. On reste ça très, très simple. On est à 4, on est commencé à 3, donc on a eu une personne qui s'est rajoutée finalement avec les années. Donc, ça reste que on a choisi notre monde, puis on est bien ensemble. On travaille bien. C'est un travail ensemble, mais sur des projets différents. Sur des projets différents. Et par contre, c'est l'idée d'être finalement plusieurs professionnels ensemble, d'avoir des regards extérieurs à notre travail, de pouvoir échanger sur nos histoires qu'on dessine ou encore sur nos scénarios qu'on prépare. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Puis pour revenir justement à l'idée de la relation, du contact, ben nécessairement, j'imagine aussi que le fait d'être dans une infrastructure de type bibliothèque avec l'accueil au public, ben nécessairement, vous risquez d'être un peu plus sollicité, mais en même temps de pouvoir aussi différemment répondre à ces sollicitations-là. C'est ce qu'on espère. En même temps, c'est un petit peu terrain incognita devant nous. On ne sait pas comment ça va se passer à long terme à l'intérieur des murs de la Maison de littérature. En fait, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que tout est possible. Donc, on espère que justement, il va y avoir des belles rencontres qui vont se faire. Puis aussi, vu que c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de... Bon, il y a de la littérature, mais il y a aussi d'autres formes d'art finalement se côtoyer ensemble. Bien, on espère qu'il va y avoir des mariages là, intéressants qui vont se faire, qui vont pouvoir donner des formes d'art différentes que la bande dessinée ou que la poésie, ou faire un mélange des deux, ou je sais pas. Puis j'imagine en fait les activités elles-mêmes qui vont être associées à la shop dans le contexte de la Maison de la littérature vont être dévoilées au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Tu parlais déjà d'un club de lecture. Ça serait un peu formule 4x4, quatre auteurs, quatre œuvres chaque. Exactement. Puis avec quatre rencontres. Donc l'idée, c'est ça, c'est de présenter aux lecteurs des choses un peu différentes, puis de faire une sorte de rencontre là, très très informelle, là, très café croissant le dimanche matin à la Maison de la littérature, et puis de parler finalement des albums qui ont été lus. Donc, puis sinon, tu parlais de classe de maître. Classe de maître, oui, il y en a de prévus là. Je les ai pas devant moi, je sais pas exactement. C'est il y a classe de maître, il y a peut-être des ateliers aussi pour les jeunes. Ça va se développer au fil des mois. Il y a aussi, on va préparer une sorte de spectacle, un concert musical, mais ça encore là, je peux pas le dire exactement c'est quoi. Mais ça, c'est des projets qui vont se développer. Ça a été présenté, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle, donc je peux pas en parler de façon officielle. Et en même temps, ça ajoute justement à la dynamique de travail. Donc, il y a vos planches, il y a vos albums, mais en parallèle, vous avez aussi ces responsabilités-là, finalement, par devers le lieu. C'est ça, exactement. Donc, mais ça, c'était prévu. C'était ce qu'on a proposé aussi. Les collègues n'ont pas trouvé difficile à convaincre? Non. En fait, ce qui a été le plus difficile, c'est de choisir exactement qu'est-ce qu'on allait proposer, et puis de pas trop en présenter, parce que là, on était là aussi pour faire de la production, on est là aussi pour faire de la bande dessinée, puis d'avoir un certain roulement de travail. Donc, c'était de gérer entre qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui est possible, puis selon le temps qu'on a. Oui, puis en fonction de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous faites déjà, tu parlais de concert dessiné, mais dans le fond, c'est un peu dans la continuité de Mille Planètes, où c'était pratiquement la shop qui l'avait exactement, fait. Exactement, c'est ça. Puis après ça, toute la shop a participé ou participe à l'impro BD, donc il y a déjà des expériences qui existent, que vous pouvez mettre en valeur dans d'autres contextes, finalement. C'est ça, tout à fait. C'est ça l'idée. et en même temps, tu parlais d'inconnu, j'imagine qu'aussi ça va être de trouver la dynamique entre le côté animation puis le côté travail, dans ça, l'équilibre. Oui, puis c'est ça. Puis encore une fois, c'est vraiment les rencontres qu'on va faire qui vont nous amener vers des choses qu'on n'avait pas pensé du tout. Donc, je pense que ça va être vraiment chouette à long terme. Et là, Jeff, si on se fie au Facebook, vous étiez pas mal dans les boîtes ces dernières semaines, à part pour un petit passage à Saint-Malo. En fait, moi, j'étais à Chambéry pendant que mes coéquipiers, Paul, Michael puis Richard, faisaient des boîtes. Tu as délégué le déménagement. Ils faisaient le déménagement, donc moi, j'étais pas là pour les aider. Bon, c'est un peu plate, là, mais ça a comme mal tombé. C'est des choses comme ça qui tombent mal. Hein. Que veux-tu? Et là, est-ce que, dans le fond, vous êtes pas mal installé pour l'ouverture? Là, vraiment, ça fait une semaine qu'on est tout installé. On est fonctionnel, on travaille, on est déjà là. Donc, oui, ça c'est parfait. Là. Puis pour les journées portes ouvertes, ça veut dire que vous allez aussi animer votre espace un peu? Donc, demain et dimanche, on est là de 10h à 4h, les quatre de la shop. Et puis, on va être là pour parler avec les gens, pour travailler, montrer ce qu'on fait, c'est quoi finalement la shop à bulles. Et puis en même temps, j'ai l'impression d'accompagner, de poursuivre un peu le travail d'accompagnement qui est fait à travers le milieu, dans le fond, pour faire comprendre c'est quoi faire une BD. Oui, tout à fait, exactement. Si on peut justement donner un peu plus d'informations sur qu'est-ce que c'est que la bande dessinée, qu'est-ce que c'est d'être auteur de bande dessinée, qu'est-ce que ça implique comme travail, des fois, ça peut amener des gens à en lire. Donc. Oui, juste sur le choix de terme, en fait, je pense en terminant un peu là-dessus, c'est le choix de dire, OK, auteur de bande dessinée, parce qu'il y a BDiste, mais non, c'est comme, OK, et déjà, c'est pas encore acquis, somme toute, malheureusement. Non, c'est ça. Mais bon, il y a eu quand même des gros progrès qui se sont faits dans les 10 dernières années, hein, on s'entend. Mais il y a encore du travail à faire, du travail d'éducation, finalement, auprès des gens, auprès des lecteurs, pas des lecteurs, parce qu'on a des gens qui lisent la bande dessinée puis ils savent de quoi on parle. Mais ça, c'est les convaincus. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est les irréductibles. Mais là, il y a des gens à aller chercher qui ont encore la vision de la bande dessinée des années 60, donc 70. Donc ça, c'est encore à travailler. Alors, si on va avoir plus d'informations sur vos activités, c'est facebook.com, on cherche la shop à bulles, on vous trouve. Exact. Et en même temps, sur ça, on va avoir aussi les différentes annonces d'activités qui s'en viennent. Et on se donnera sûrement l'occasion aussi d'en parler ici. Quand on parle de club de lecture, moi j'entends idée de lecture aussi. Donc, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. D'ici là, JF, on se dit à très bientôt. Ça marche, vraiment. Et nous, on s'en va en musique, donc toujours avec cette formation Phlogiston, tirée de leur album Mode 3. Écoute de la vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et ben qu'on poursuit avec cette émission qui est essentiellement dédiée aux activités autour de ce lancement de la Maison de la littérature, autour également du Festival Québec en toutes lettres. D'ailleurs, des activités qui commencent ce soir. Dans 28 minutes, il y aura la première édition de ce parcours volatile autour de la Maison. Et évidemment, il y aura plusieurs autres activités. Québec en toutes lettres, quand même, pratiquement une quarantaine de spectacles. Et de ces spectacles-là, ben il y en a un qui est consacré à la sphère de la bande dessinée, ou du moins qui est lié intimement à cette sphère-là. Un spectacle auquel j'ai le plaisir de contribuer activement et j'avais envie d'en jaser un peu avec des collègues. On parlait de ce spectacle qui s'appelle Case et Possible, une production de Parenthèse 9. Et pour en jaser avec moi, je suis en compagnie du metteur en lecture Vincent Champoux. Bonjour. Bonjour. Et de la dessinatrice Catherine Lemieux. Bonjour. Bonjour. Alors, spectacle, enfin, on parle d'une lecture dessinée de textes de Margaret Atwood, Daniela Ferrière, Yann Martel, John Saul et Russell Banks. Qu'est-ce qui vous avait peut-être intéressé, justement, qu'est-ce que vous avez envie d'embarquer dans une aventure comme celle-là? Bien, en fait, moi, je suis comédien, mais je suis également graphiste. Je fais aussi de la photo et tout. J'ai toujours eu un intérêt particulier, justement, pour les illustrations et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait un beau défi dans ce projet-là d'essayer de réunir, finalement, le théâtre et le dessin, de trouver une façon. En même temps, j'étais familier aussi au travail de Parenthèse 9, mais c'est la première fois qu'on a la chance de travailler ensemble. Et je trouvais qu'il y avait un beau défi, là, essayer de voir comment ces deux formes d'art-là peuvent se réunir. Et j'avais envie de plonger. Je pense qu'un petit peu pour ces raisons-là, l'effet peut-être de nouveauté, autant pour moi qu'Alex Carreau, de se lancer. On en est pas mal dans les premières expériences comme ça de dessin live, donc aller au-delà justement de... du petit dessin dans notre atelier, des choses comme ça, on avait peut-être envie justement de voir, bon, bien, qu'est-ce que ça peut donner cette expérience-là, donc... Puis voilà. En fait, on est loin justement de l'improvisation, l'impro BD ou ces choses-là, parce qu'il y a un travail de préparation qui pourrait toujours être évidemment plus long, mais reste que ça fait déjà quelque temps que le travail est amorcé sur ça, que ça permet, j'imagine, d'explorer un peu plus loin aussi côté mécanique, côté précision, côté lien entre la parole et les mots. Oui, bien en fait, il y a vraiment... moi, je vois vraiment ça comme une espèce de rituel. Il y a vraiment... les lumières sont tamisées, sont fermées dans la salle. On voit à peine les gens. Ben en fait, les dessinateurs, leur table à dessin est éclairée. Les acteurs sont éclairés par leur iPad. Donc vraiment, tout le focus est mis sur l'écran derrière eux, où est projeté finalement le dessin que les dessinateurs font. Et donc il y a une espèce de rituel, je trouve, qui appelle au recueillement. Et ça, je trouve que Je trouve que c'est vraiment assez bien réussi. Et donc, chaque chose, chaque petit geste, ne serait-ce que de poser la main sur sur la table à dessin, de venir faire un trait et tout ça, ça prend une autre dimension parce que tout d'un coup, on vient isoler chaque geste, isoler chaque mouvement. Puis ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez réussi. Oui, c'est isolé, puis en même temps, c'est la seule chose qui bouge au bout du compte, parce qu'il y a la parole et les comédiens qui sont là, qui sont éclairés avec leur iPad, dont on voit le visage, mais l'action qui bouge, dans le fond, c'est l'écran, et l'écran, mais c'est le travail de dessin. Exact. Donc, d'où la nécessité aussi, j'imagine, d'avoir les gestes les plus précis possibles, d'avoir pas de gestes gratuits, de pouvoir travailler ou réfléchir aux manières de présenter les choses, dans le fond. Ouais. Puis on a essayé de renouveler aussi la façon de dessiner. En fait, c'est pas toujours le même médium. Des fois, tu utilises l'aquarelle, l'encre et tout. Ben, en fait, tu pourrais plus en parler. Bien, c'est ça. Au niveau, justement, des façons de faire, au-delà peut-être du dessin live, dessin traditionnel, on a essayé d'amener peut-être d'autres composantes un petit peu plus sensibles, justement. Si je pense au texte de Russell Banks, où on va voir une image, en fait, dans l'eau, où c'est l'encre vraiment qui va venir amener le dynamisme, peut-être... à la création, on a ça, on a beaucoup d'éléments, en fait, aussi, qui ont été travaillés d'avance. Je pense, justement, à un des textes de Margaret Atwood, où il y a un petit cahier qui est déjà proposé. Il y a beaucoup de frénésie. Hein? Voilà. Ouais. Puis, en même temps, c'est ça, entre autres, je vais donner un exemple, parce que c'est sûr que souvent, pour les gens, c'est un peu un extraterrestre, ce genre de spectacle-là. on a un extrait, en fait, c'est un texte qui porte sur Caligula, l'empereur Caligula, et puis, au lieu de venir illustrer simplement Caligula en arrière, on a essayé de trouver une façon de d'illustrer sa folie. Alors au départ, le trait qu'on voit à l'arrière, c'est Alex qui fait le dessin à ce moment-là. C'est un trait qui est vraiment chaotique, il va dans tous les sens et c'est vraiment là comme très abstrait comme geste, mais en même temps très très nerveux dans le geste de dessin. Et subitement, à un moment donné, surgit de ce chaos-là le visage de l'empereur. Donc, ça donne quelque chose qui est vraiment troublant, vraiment, vraiment, parce qu'à un moment donné, on cherche plus à savoir qu'est-ce qu'il est en train de dessiner. En fait, on a vraiment l'impression que c'est le chaos et tout. Puis là, tout d'un coup, on a un regard qui nous regarde, un espèce de visage tourmenté. En tout cas, ça, c'est un exercice là, qui a été vraiment intéressant à faire. Et j'ai l'impression, dans ces dynamiques-là, Catherine, est-ce qu'on est un peu dans... On est un peu dans l'apprentissage d'une chorégraphie aussi, d'une certaine façon, d'une mécanique. On parlait de rituel tantôt. Comment on travaille un peu en sachant que ce dessin-là qu'on développe, ben, il va falloir le répéter 10, 15 fois au fil des répétitions, au fil des représentations? Ben justement, tout à fait. Côté technique de la chose, on en parlait tout à l'heure, de faire attention à bien respecter ce rituel-là. C'est quelque chose qui a été intéressant pour notre apprentissage dans le faire. Parce qu'en même temps, faut travailler, faut développer le côté performatif, dans le fond, dire comment on va performer ce dessin-là, comment on va assurer une standard, c'est ça, l'interpréter, c'est exactement. Parce qu'en fait, même si le dessin est le même, c'est toujours la même chose qui est faite d'une fois à l'autre, il reste qu'il n'est jamais interprété de la même façon. Quelqu'un viendrait voir plusieurs représentations, puis il verrait vraiment des grandes différences. Tu sais, genre, même si le projet est le même, disons, l'intention elle-même, je veux dire, surtout quand tu travailles avec l'aquarelle, où tout d'un coup, il y a l'aléatoire de l'eau qui vient tu sais, imprégner le papier d'une façon ou d'une autre. Ça fait en sorte qu'il y a, malgré tout, même si on place tout, il y a malgré tout des surprises qui arrivent dans chaque élément qui sont présentés. Et en même temps, dans un contexte où on parle, bon, je rappelle de textes de différents auteurs, bon, La Ferrière, Atwood, Banks, Yann Martel, c'est pas des textes qui étaient destinés à être illustrés au départ. Donc, on n'est pas non plus comme dans une dynamique d'illustration de textes illustrés où il y a des choses qu'on dit pas parce qu'on sait qu'on va les montrer. Donc, c'est un peu le travail de création aussi de trouver qu'est-ce qu'on va montrer. Oui. Sachant que dans certains cas, c'était très précis aussi en termes de description, les textes, là. Oui, ben en fait, je pense au texte de Russell Banks, American Darling, où il y a un personnage de Anna qui décrit l'horreur de la guerre. Et Puis c'est tellement bien décrit, tellement touchant, tellement que ça aurait été juste redondant de venir dessiner ce qu'il est en train de décrire. Donc on a tout simplement tourné la caméra de côté, tu sais, puis on a regardé tout simplement le visage de Anna. Alors le dessin que tu fais à ce moment-là, qui est absolument magnifique, c'est vraiment juste le regard de Anna devant l'horreur de la guerre. Donc ça, c'est une dimension qu'on ne pouvait pas avoir parce que c'est pas décrit dans le texte, donc ça amène une dimension supplémentaire. Et ça doit être un bon défi au niveau du dessin, dans la mesure où le public reçoit ce texte-là, qui décrit quelque chose qui est quand même assez intense. Et donc, dans le fond, il faut pouvoir partager une émotion avec le regard que tu es en train, toi, Catherine, de dessiner sur l'écran. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Là, déjà que ça sort peut-être un petit peu de notre zone de confort, déjà. Donc, on veut trouver peut-être une façon d'aller toucher le spectateur autrement, comme on le disait, autrement que de juste dessiner ce qui est dit et tout, là. Donc, ça a été quand même un beau défi dans l'activité. Oui, surtout dans le contexte où il y a de plus en plus d'activités qu'on propose avec justement du dessin et différentes disciplines. Donc, faut aller un peu plus loin, faut profiter des assises qui existent pour pousser un peu plus l'exploration, dans le fond. Sortir de l'anecdote, en fait, puis que finalement, le dessin devient moteur d'émotion. En fait, on touche à tout. Là. Il y a des fois, c'est très ludique dans le spectacle, mais il y a d'autres moments où vraiment le dessin est porteur d'émotions. Puis ça, c'était important pour moi de toucher à ça. Puis Alex et Catherine se sont vraiment bien prêtés à l'exercice. Et dans ce contexte-là, il y a les comédiens aussi qui sont là, évidemment, Jessica Ruel-Thériault, Emmanuel Bédard. Comment on dirige les comédiens dans un contexte aussi où il y a une mécanique qui est en place derrière eux, il y a un rituel qui est en place derrière eux? C'est pénible. C'est lourd. Oh là là! Non, en fait, j'ai approché des comédiens avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je connais bien et tout ça, parce que je savais très bien qu'avec le temps qui nous était alloué pour la préparation de l'événement, il faudrait que je me fie beaucoup à leur expertise, puis à leur instinct, parce que c'est sûr que moi, je dois regarder partout, puis en plus, il y a la musique live qui est là, c'est Nicolas Jobin qui fait un superbe travail aussi. Donc, je devais comme m'assurer que tout s'imbrique d'une belle façon. Donc, c'est sûr que on a fait un travail sur le texte pour commencer avant même d'intégrer le dessin, justement parce que je me suis dit que dès que le dessin arriverait, tout d'un coup, là, j'aurais de la misère à juste écouter le texte. Donc, on a vraiment fait un travail poussé sur le texte pour essayer de trouver la meilleure façon de le livrer. Puis, pour eux, effectivement, c'est un beau défi aussi, sachant très bien que l'attention du spectateur n'est pas nécessairement sur eux, mais va être sur le dessin qui est derrière eux. Mais en tout cas, tout le monde a bien hâte de commencer là. C'est dimanche déjà, c'est dans deux jours. Ça va vite. Oui, hein? Ça va vite. Et tout ça dans un contexte en fait, parce qu'à la générale, jeudi, ça m'a vraiment frappé. En fait, les lumières de la salle qui sont complètement fermées. Donc, comme on le disait au départ, il y a quelques pôles lumineux. Il y a une atmosphère de recueillement avec l'aspect rituel, mais une atmosphère extrêmement intime aussi, au bout du compte, avec le regard qui est très dirigé dans différents pôles d'attention. J'ai trouvé qu'il y avait une dynamique assez particulière qui ressortait de ce choix-là, finalement. Oui. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire avec des spectateurs dans la salle aussi, parce que c'est toujours ça le défi. On répète, on est entre nous, mais les textes, on les connaît, les dessins, on les connaît, on se connaît, fait qu'on a de la misère des fois à se surprendre. Puis tout d'un coup, quand on arrive avec des spectateurs, là, on peut enfin livrer ce spectacle-là et le donner, le faire entendre, le faire voir. Donc c'est là où il y a une véritable transmission. Alors, en fait, la tournée, c'est du 11 au 18 octobre. C'est une tournée des bibliothèques. Alors, en fait, le 11, c'est à 14h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Le 13, à 18h à la Maison de la littérature. Ensuite, une série à 19h. Le 14, à Paul-Aimé Paiement. Le 15, à Aliette Marchand. Le 16, à Neuchâtel. Et ensuite, le 17, à 14h, on retourne dans l'après-midi, donc à Monique Corriveau. Et une dernière, le 18, à 11h, à Étienne Parent. Donc, quand même, une belle variété d'heures aussi. C'est un spectacle gratuit en plus, donc il n'y a pas vraiment d'excuses de pas y aller. Surtout, il fait froid de ce temps-ci. Oui, en plus. Plutôt que faire du cocooning à la maison. Là. Faites-le au théâtre, à la bibliothèque. Faites-le à la bibliothèque. En plus, c'est des si belles bibliothèques. Là. Ça vaut la peine. Ah ben, Vincent Champoux, Catherine Lemieux, on se dit à dimanche. Oui, à dimanche. Tout à fait, à dimanche. Et je rappelle, le spectacle s'appelle « Cases et possibles ». Nous, dernier extrait musical avec Strotch. Et on est toujours en mode de Québec en toutes lettres. Dernière activité sur laquelle on attire votre attention, dernière activité à saveur BD, outre évidemment ce parcours volatile, je rappelle, qui démarre ce soir, vendredi. Eh bien, mercredi prochain, donc il y a la rencontre des rendez-vous de la BD, mercredi 14 octobre à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Pour nous en parler, on est en compagnie de l'animateur de cette série, Michel Giguère, bonjour. Bonsoir Raymond Poirier. Et ben comme à l'habitude, évidemment, la thématique est un peu choisie pour toi d'avance, puisque tu t'insères dans le festival thématique Québec en toutes lettres. La thématique, c'était la liberté d'expression. Et tu nous proposes donc, Michel, pour cette occasion-là, un survol de reportage BD, témoigner, dénoncer la BD documentaire, deuxième partie. Oui, puis justement, par rapport à ça, d'entrée de jeu, là, je précise qu'il est absolument pas requis d'avoir assisté à la première soirée consacrée à la BD documentaire. Là. C'est pas, on va parler d'un autre segment, mais c'est pas une suite à proprement parler. Là. Et puis la BD documentaire, en passant, je l'appréhende au même titre que les films documentaires ou les livres documentaires, c'est-à-dire que ça ratisse large. J'ai déjà du matériel, tu vois, pour remplir un rendez-vous sur les biographies en BD, un autre sur les autobiographies puis les autofictions, une autre rencontre aussi sur des faits historiques, parce que tu vois, mercredi prochain, on n'ira pas plus loin dans le temps que 1986, c'est-à-dire l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Donc, tu vois, on recule de quelques décennies à peine. Et les autres champs, on va les explorer dans les années à venir, évidemment. Mais ce mois-ci, ben, le thème de Québec en toutes lettres m'a fourni l'occasion de présenter un type de BD documentaire, à savoir le témoignage-reportage, qui est assez en vogue pour justifier la création, par exemple, d'un magazine trimestriel, comme la Revue Dessinée, que tu connais, qui paraît depuis septembre 2013. Et pourtant, en parallèle, il y a aussi toujours des gens qui ne soupçonnent pas l'existence de la BD reportage. Alors, si tu avais peut-être à la présenter pour les non-initiés, ça ressemble à quoi? Ça prend quelle forme? Ben, la forme d'un récit en cases, en dessin, puisque c'est de la bande dessinée, des dessins exécutés sur place aux quatre coins du monde ou alors d'après photos qui ont été prises là-bas, et dans tous les styles imaginables. Du réalisme d'Emmanuel Lepage ou de Philippe Squarzoni au schématisme de Guy Delisle ou de Daryl Cunningham, qui est un Britannique, de la profusion maniaque de détails de Joe Sacco, ceux qui le connaissent savent qu'est-ce que je veux dire, au dépouillement extrême, par exemple, de Marjane Satrapi. Donc, ça ratisse large sur le plan graphique. Et comme dans la BD intimiste, je dirais, c'est proprement fascinant de réaliser à quel point ça fonctionne bien, peu importe le niveau de réalisme du dessin. On sait depuis Mars de d'Art Spiegelman que même une BD animalière dans un graphisme, pour ainsi dire, qui relève du pictogramme, ça peut s'avérer prenant, bouleversant. Le réalisme en BD, ça devient accessoire. Ce qui prime, c'est l'authenticité, finalement. Et j'imagine, dans un contexte de création, que ce type de démarche-là peut aussi susciter un certain scepticisme chez certains lecteurs, chez certains auteurs. Ouais, quand on prétend faire de la bande dessinée documentaire. Et ça, on le sent, par exemple, dans l'insistance d'un Joe Sacco à démontrer la rigueur de son approche, à revendiquer son statut de reporter au même titre que s'il manipulait une caméra quand il va dans tel ou tel coin du monde. Et pourtant, ça s'inscrit, le reportage dessiné, dans une solide tradition, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps, avant l'invention de la photographie, on dépêchait des illustrateurs sur le front de telle guerre ou simplement dans des contrées lointaines pour rendre compte des faits et des lieux, présenter finalement des manières de reportage dessiné. Ça se fait encore aujourd'hui lors de procès, hein, et ça permet parfois de passer entre les mailles des filets de contrôle. Par exemple, en Corée du Nord, un occidental prend pas des photos comme il veut, là, il est très surveillé. Mais s'il griffonne dans un carnet, ça paraît inoffensif, puis souvent, on le laisse aller. Ça nous a donné des témoignages précieux, comme Pyongyang de Guy Delisle, évidemment, ou encore la faute de Stanké et Chabert. Et parallèlement, tu cites Delisle et Sacco. J'imagine, globalement, en fait, leur approche, quand on l'observe, n'est pas du tout la même. Le ton est très différent, donc ça nous montre aussi deux axes de ce champ d'exploration-là. Ah oui, tu as tout à fait raison. Je te dirais que, en fait, tout part de l'intention. C'est pourquoi on va distinguer reportage et puis témoignage. Sacco, pour un, lui, il se rend dans des coins chauds du globe, en l'occurrence la Bosnie, la Palestine et plus récemment les villes américaines qui ont été dévastées par la crise économique de 2008-2009, là, avec l'intention de rendre compte de ce qui se passe. Emmanuel Lepage, lui, il est mandaté pour embarquer sur un navire de ravitaillement dans les îles de la Désolation ou encore une autre fois en Antarctique ou encore il est envoyé dans un groupe pour une visite des environs de Tchernobyl et c'est dans l'esprit de partir en mission de reportage, vraiment. Par contre, Guy Delisle ou Nicolas Wilde avec son Kaboul Disco vont en Asie, puis ils tiennent là une manière de journal de voyage en BD, ils racontent une série d'anecdotes qui vont traduire leur dépaysement, leur étonnement, leur trouble, mais sans la prétention journalistique ou documentariste d'un Sacco ou d'un Lepage. Alors, le ton, ça va de soi, est plus léger, mais le témoignage, par contre, lui, il est tout aussi précieux. Et puis, pour ce qui est du ton, eh ben, il y a une infinité de nuances qui se déclinent pour un Joe Sacco qui laisse la parole aux gens qu'il rencontre et puis dont la narration demeure le plus neutre possible. Il y a un Lepage qui, lui, n'hésite pas à partager ses états d'âme ou un Philippe Squarzoni qui réalise de véritables essais d'opinion qui dénonce, par exemple, le libéralisme à outrance ou le réchauffement climatique, ou encore, je pense, à Étienne de Vaudeau, qui se gêne pas pour prendre parti tantôt pour les militants, tantôt pour les agriculteurs. Oui, puis ce que tu dis là, en fait, Michel Giguère, amène un peu la question suivante. De quelle manière on réussit à asseoir sa crédibilité? Donc, comment s'assurer d'une certaine objectivité quand les faits sont rapportés par des dessins? Donc, c'est pas comme un photographe qui capte un arrêt sur image d'un événement, qui restitue un morceau de réalité. Entre les faits et le lecteur, il y a l'intermédiaire, le dessinateur, l'auteur, qui représente en dessin sa vision de ce qui s'est passé. Ouais, et cette idée-là, ce que tu dis là, ça s'impose à notre esprit, hein, on y pense tout de suite. Dès qu'on se met à concevoir le principe d'un reportage qui est dessiné, on se dit, ben, jusqu'à quel point je peux me fier à ça? Comment je peux accorder foi à ce que je vois? Moi, je te dirais que personnellement, au-delà de la rigueur puis des bonnes intentions du reporter ou encore des témoins dont il rapporte les paroles, moi, je considère que l'objectivité, de toute manière, c'est un leurre. Et je me dis qu'en bande dessinée, l'intervention de l'intermédiaire et par le dessin, le fait que la réalité est par lui interprétée carrément par du dessin au trait, ben au moins, ça a la vertu d'être clair et net. Et puis conséquemment, c'est une approche qui triche pas en prétendant à l'objectivité. Alors que la photo, la vidéo, ben d'emblée, ça nous incite, nous, lecteurs ou spectateurs, à croire que ce qu'on voit, c'est la vérité. Ben, c'est vrai, ça doit être vrai, puisque je le vois. Alors qu'en fait, il peut s'agir d'une mise en scène, ou encore, ça peut être des images qui ont été captées dans une ville différente de celle dont il est question dans le reportage. Et puis, on sait aussi qu'avec Photoshop, on peut faire toutes sortes de retouches. J'irais même plus loin que ça. Et ce faisant, je reprends un petit peu les mots d'Étienne Davaudeau dans une merveilleuse préface d'une de ses BD documentaires. Eh ben, dès lors que tu cadres une image, ça devient subjectif tout de suite. Que ce soit avec un crayon ou une caméra, cadrer, c'est prélever un segment, c'est choisir ce que tu montres et choisir ce que tu montres pas. c'est-à-dire finalement ce que tu caches, et la réalité devient biaisée dès lors que qu'elle est montrée dans un certain cadrage. Et en terminant, en fait, si je cite un peu l'événement Facebook, tu nous dis, ben réservez-vous cette case horaire si le monde vous intéresse. Évidemment, cette formule-là, je la reçois un peu, tu parles du monde dans tous les sens du terme, bon, les gens et la surface du globe. Donc, ça veut dire aussi que tu vas nous faire voyager dans cette rencontre-là, que tu vas nous faire voyager mercredi 14 octobre 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Donc, peux-tu nous donner un peu une idée des régions qu'on va visiter? Oui, puis des gens dont on va parler des Roms d'Europe, les Tziganes, les Roms des Romanichels. On va parler des Médecins sans frontières. On va parler du militantisme, des militants, des immigrants, leur réalité, les politiciens, les pollueurs. On va parler aussi de reporters courageux, notamment Anne Niva ou Anna Politkovskaya. Qui, elle, était tellement courageuse qu'elle a laissé sa peau. Pour ce qui est des pays, des coins du monde qu'on va visiter, la Palestine, la Bosnie, l'Ukraine, la Russie, l'Afghanistan, le Mexique, la Nouvelle-Orléans, le Rwanda, la Chine, la Corée du Nord, en 2 heures. Et c'est tout pas ça, cher, là. Non, c'est pas cher. Et tout ça, en même temps, ça va nous faire prendre conscience. Je pense que c'est un médium qui tend à s'imposer de plus en plus, à prendre de plus en plus de place. Et je pense que ça va nous permettre d'aller chercher des indices sur le pourquoi, justement, la BD documentaire est en train de s'imposer autant qu'elle le fait actuellement. Et je crois qu'il y a des gens qui vont tomber des nues. Ils vont être surpris par la diversité, la quantité aussi d'œuvres qui existent déjà dans le genre du reportage et du témoignage. Alors, je le rappelle, le rendez-vous, c'est mercredi prochain, donc mercredi 14 à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. L'entrée est libre, on se présente simplement sur place et on profite des paroles et des planches que nous montre Michel Giguère. Mais Michel, nous, on se dit à mercredi et au mois prochain. Et je vous attends et je serai là le mois prochain. Excellent. Salut bien. Ciao. Alors ben voilà, nous c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve vendredi prochain à 17h30 et on aura le plaisir de passer une heure avec Pascal Rabaté qui donne dans la réalisation cinéma et dans la bande dessinée. Alors on va discuter avec lui de la parenté et des approches et des différences entre les deux techniques narratives. Alors ben voilà, ce sera un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir de passer cette heure avec vous et passer une excellente soirée sur les ondes du 89.1.